J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le rappel, 16 avril 1897, au Grand Guignol. Comme elle n'a pas grand-chose à faire en ce moment, la préfecture de police s'acharne sur les chansonniers de Montmartre. Tous les agents de la sûreté disponibles sont en mission dans les différents cabarets de la butte, prenant des notes et signalant les vers qui leur ont fait monter le rouge à la face. Aussi, ces pudibonds subalternes, pour donner à leur chef une haute idée de leur pudeur et de leurs aptitudes littéraires, signalent-ils impitoyablement les couplets ou les scènes qu'ils n'ont pas l'esprit de comprendre. Nous avons annoncé la fermeture du Pierrot Noir. Voici le tour du Grand Guignol, un vrai théâtre, portant sur son programme les noms de messieurs Georges Courteline, Oscar Métainier et Jean Lorrain. Les noms de ces auteurs ne sont-ils pas un surgarant de l'intérêt purement artistique du spectacle, qui avait obtenu d'ailleurs un gros succès? Mais la préfecture de police ne fait aucune distinction. En serait-elle d'ailleurs capable? Nous nous sommes rendus hier soir au Grand Guignol. À la porte d'entrée, nous lisons l'affiche suivante. Représentation privée. On ne sera admis que sur invitation. Nota bene, des droits de vestiaire seuls seront perçus. Près du contrôle, nous trouvons M. Oscar Métainier. Il nous tend habillé, portant la mention « invitation ». Par conséquent, l'entrée est libre. Grâce à ce procédé, le Grand Guignol n'a pas fermé ses portes. Quant à la recette, hélas. Voici les renseignements que l'auteur de Madame Fifi a bien voulu nous fournir. À la préfecture de police, où je me suis rendu cet après-midi, on m'a formellement déclaré que nous n'aurions pas l'autorisation d'ouverture parce que nous n'étions pas en règle avec la censure. Je me suis élevé contre la prétention de la préfecture qui nous refusait ce qu'elle avait accordé à tous les autres cabarets. « Communiquez vos pièces à la censure et obtenez le visa », m'a-t-on répondu. C'est évidemment une plaisanterie. « Il leur faut au moins 15 jours aux Beaux-Arts pour lire un acte. » On me mettait donc en présence d'un obstacle insurmontable. J'ai fait demander un sursis au préfet. Il m'a répondu qu'il avait l'intention de ne point accorder aussi facilement que par le passé l'ouverture des établissements similaires aux nôtres. Je lui ai fait alors remarquer que nous procédions non pas à une ouverture, mais à une réouverture, ce qui n'est tout de même pas la même chose. Il m'a opposé un refus catégorique. Le spectacle que nous présentons n'est nullement en jeu. On nous a cherché une odieuse chicane. Aussi, vous voyez, pour ne pas fermer, nous avons invité tous nos amis. La commission des théâtres a visité hier notre salle et nos agencements et a constaté que tout était en parfait état. Nous sommes décidés à jouer quand même, en procédant par invitation, bien entendu. Seulement, vous comprenez que nous subissons ainsi de fortes pertes. Je n'ai cependant pas perdu tout espoir, et j'espère encore avoir raison de ces difficultés. Au moment de quitter M. Oscar Métainier, nous sommes attirés vers la salle de spectacle par un formidable éclat de rire. On joue M. Badin, de Georges Courteline. Cette pièce symbolise admirablement ce qu'il y a dans les administrations, de paresse chez certains, et de crétinisme chez d'autres. Paul Génion.